assiette jusqu'au bout le plus petit. Tant pis si c'est un peu gras, sucré ou salé. Bien sûr, il faut faire attention. Je mange quoi ?